Moi, ce que j'aurais voulu, c'est une vie sans être surveillé. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est une vie sans être épié. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est une vie sans être constamment surveillé au milieu des bois, quelquefois les prés. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est une vie sans être surveillé. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est ne pas être surveillé, constamment épié, constamment contrôlé. Contrôler constamment, constamment contrôler. Oh yeah.